Ça marche pas, je sais pas comment on fait. Putain, j'enregistre carré, c'est tout décalé là. C'est quoi ce bordel là? C'est vraiment chiant ça. C'est dommage, je sais pas comment on fait. Virtuel, oui, mais avec un... Salut Titi. Hey Titi, fais-nous péter le riz. Play something. I try to follow the mighty wolf bus. Thank you. Allez Titi. Allez Titi. Eh ben change. Change the tempo. We change the tempo, drum. We'll be right back. style. We'll be right back. Thank you.